Ministre responsable de la capitale nationale, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail et de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la SEDEC et du député de Jean Lesage, M. André Drolet. En 2013, CKRL a 40 ans. Et c'est grâce à vous. Aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec, nous aurons un entretien avec Pierre Mouterde sur Hugo Chavez et sa succession en première partie d'émission. Et puis, ce sera la chronique de Renaud Blais qui nous présentera quelques fenêtres vues d'ici et d'ailleurs en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Ata Québec. Alors bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui est avec vous à nouveau en ce samedi midi, édition 16 mars pour l'émission Grain de Sable d'Ata Québec. Alors je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous écoutez cette émission. Alors aujourd'hui ça va être évidemment toujours d'actualité socio-économique et cette semaine je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec l'auteur et le sociologue Pierre Mouterde et ce sera le sujet sur Hugo Chavez et son héritage. Donc il vient de décéder il n'y a pas très longtemps, tout récemment et ensuite, donc Renaud Blais va faire sa chronique avec quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Mais d'abord, on écoute l'activiste vénézuélienne Léonore Fuguet dans la chanson « Palante, comandante ». Palante, comandante, te dice tu bravo pueblo. Da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Un 4 de febrero, por ahora dijiste, luego un 11 de abril que no habías renunciado, y este 30 de junio dices hasta el retorno, y el amor que nos das, con amor te pagamos. Pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo, da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Con la rodilla en tierra, mientras te estás sanando, nuestra revolución aquí estamos cuidando. Con las manos unidas, en señal de oración, también alzando el puño con total decisión. Pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo, da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Como dijo Bolívar, pido al Dios de mis padres y al manto de la Virgen, como diría tu madre. Y junto a Florentino invoco en la sabana a todos los espíritus y al Jesús que sana. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Pa'lante comandante, te dice tu bravo pueblo, da tu combate hasta la victoria que estás venciendo. Saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. ¡Palante, comandante! Alors voilà, vous venez d'entendre la chanson Palante, comandante, comme vous venez de l'entendre à la fin de la chanson. Et vous l'aurez compris, c'est une chanson qui rend hommage à Hugo Chavez et c'est interprété par l'activiste écologiste Léonore Fuguet. Et je suis présentement avec Pierre Mouterde. Alors Pierre Mouterde, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Non, je l'avais jamais entendue, non. Mais je la trouve très belle et puis très. Elle indique bien, je pense, cette espèce de ferveur populaire qu'il peut y avoir au Venezuela quand on parle ou quand on pense à Hugo Chavez. Tout à fait. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs avant de faire l'entrevue, donc vous êtes sociologue, vous avez enseigné également la philosophie. Oui. Et vous avez publié quelques ouvrages. Donc, je l'ai cité pour commencer. En 2002, vous avez écrit « Quand l'utopie ne désarme pas les pratiques alternatives de la gauche latino-américaine ». En 2005, vous avez écrit « Repenser l'action politique de gauche, essai sur l'éthique, la politique et l'histoire ». En 2009, c'est donc un autre livre sur « Pour une philosophie de l'action et de l'émancipation ». Et donc, ces trois ouvrages ont été parus aux éditions Éco-Société. Et finalement, en 2011, vous avez... donc, le livre était « La gauche en temps de crise contre stratégie pour demain ». Et tout récemment, 2012, un livre sur Hugo Chavez. Donc, « Hugo Chavez et la révolution bolivarienne » que vous avez coécrit avec Patrick Guillaudat. Voilà, c'est bien ça, oui. En fait, on le voit bien, là, je m'intéresse depuis longtemps à l'Amérique latine, mais pas simplement à l'Amérique latine en tant que telle, aussi à l'Amérique latine en rapport avec un peu ce qui peut se passer aussi au niveau social et politique au Québec et dans d'autres pays. Donc, essayer de comprendre un peu quelles sont les alternatives aujourd'hui, les possibles qui existent pour la gauche à l'échelle du monde. Oui, tout à fait. Très intéressant d'ailleurs. Mmh. Et la dernière fois, vous avez, on a parlé de Chavez avec vous, mais vous étiez à Caracas et c'était la veille des élections présidentielles vénézuéliennes. Donc, ça a eu lieu le 7 octobre dernier, donc 7 octobre 2012. Est-ce qu'on pouvait se douter que Chavez nous quitterait si rapidement? Ben, à ce moment-là, c'était difficile de le savoir, mais il y avait quand même des indices qui nous montraient que rien n'était sûr. Hein, puisque sa première opération pour le cancer a été faite à Cuba en juin 2011. Et depuis, il a eu trois autres nouvelles opérations. Bon, la dernière, celle de décembre, il en avait déjà eu deux, donc au moment des élections. Et donc, on savait sa santé chancelante, mais en même temps, je me souviens l'avoir vu dans des meetings deux jours avant les élections, dans une forme absolument éblouissante, capable de parler 40 minutes sous la pluie, sans avoir l'impression absolument qu'il était malade de quoi que ce soit ou fatigué ou usé par une maladie souterraine. Donc à ce niveau-là, ça a pu surprendre un certain nombre de gens qui l'avaient vu ou comme j'ai pu le voir là dans une forme apparemment resplendissante. Alors oui, c'est toujours... on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive, malheureusement. Oui. Et puis, dans un premier temps, on pourrait peut-être mettre l'accent sur son héritage, justement. Donc, peut-être nous rappeler sa pensée, ceux qui le connaissent moins. C'est sûr que ceux qui le connaissent sont quand même au courant, mais la pensée de Chavez et ses partisans. Et peut-être aussi nous parler de la révolution bolivarienne. Donc, oui, alors, c'est sans doute pour ça aussi qu'il était tant aimé dans ce pays-là et que ce qu'il a fait a eu tant d'écho, c'est que au fond, il a essayé, en quelque sorte, de défendre deux grandes idées. L'idée de l'indépendance de la nation, réaffirmer l'indépendance de la nation vénézuélienne, réaffirmer cette indépendance vis-à-vis des tutelles traditionnelles des États-Unis d'Amérique ou de puissances étrangères, d'une part, ce qu'on appelle un nationalisme, et d'autre part, un nationalisme populaire, c'est-à-dire en même temps faire de cette... faire du peuple un acteur principal dans cette affirmation nationale. Alors, si a permis, c'est un peu ce qui est au cœur de la révolution bolivarienne. Bolivarienne, pourquoi ? Parce que en même temps, Chavez s'appuie sur une figure très importante, celle de Bolivar, un grand libérateur du 19e siècle, libérateur justement du Venezuela, en chassant, en mettant à bas la domination espagnole qui était un peu... à cette époque-là, qui régnait sur l'ensemble des Amériques ou une bonne partie des Amériques à cette époque-là. Donc on voit un peu le fond un peu de son idéologie et en ce qui concerne ce qu'il a pu effectivement faire entre 98 et 2012, mais les résultats sont quand même assez intéressants, surtout pour évidemment et en particulier pour les secteurs populaires ou les secteurs les plus démunis de la société, hein, puisque les taux de pauvreté ont formidablement baissé, hein, sont passés de 49% qu'ils étaient quand il a été élu à la présidence en 98 à 27% donc en 2012 et les taux de grande pauvreté ou d'indigence sont passés, et c'est ça qui est peut-être le plus important, de 21% à 7%, c'est-à-dire on baissait de 3 fois, ce qui montre bien donc qu'il y a eu des politiques systématiques qui ont été menées en direction des secteurs populaires, et comment, en utilisant la rente pétrolière, c'est-à-dire les profits issus du pétrole, et en le redirigeant vers des programmes de santé, d'éducation, d'alphabétisation, je dirais même de réorganisation générale là, du tissu social populaire au Venezuela. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait notable et remarquable, surtout dans une période et dans le contexte qu'on connaît actuellement, qui est un contexte néolibéral et qui va précisément à l'inverse, c'est-à-dire qui cherche plutôt à privatiser, à déréguler l'économie, à libéraliser les échanges et partant à accroître les inégalités qui existent au sein d'une même société. Alors, c'est vraiment très important, là, ce que vous dites, c'est vraiment parce que dans le fond, le pétrole est devenu plus national. Il a nationalisé une partie du pétrole, je crois. Alors, le pétrole était déjà nationalisé, mais la compagnie avait en quelque sorte échappé au gouvernement. Alors, une partie de son travail, si je puis dire, de président, pendant les premières années, ça a été de récupérer le contrôle de cette entreprise pétrolière. Et ça a d'ailleurs été si difficile qu'il il a été soumis à un coup d'État et soumis à une grève des gérants qui dirigeaient cette entreprise, une grève pétrolière qui a failli d'ailleurs réussir. Et ce n'est que de justesse qu'il a échappé à ce coup d'État, grâce en partie à un soutien populaire et puis aussi à la fidélité de groupes importants des forces armées. Tout ça lui a permis donc de résister à ces coups d'État politiques et économiques, et ainsi de pouvoir reprendre le contrôle effectif de ce pétrole, le contrôle gouvernemental de ce pétrole. Et puis il faut le dire, même si une grande partie du pétrole est nationalisé, il y a quand même près de 35% de la production qui est sous partenariat privé-public, c'est-à-dire qui se fait, surtout dans la vallée de l'Orénoque, en association avec le capital étranger et notamment le capital américain. Donc loin de ces images où toute l'économie vénézuélienne serait en principe nationalisée, on est bien loin de ça au Venezuela, hein, puisque soit proche de 70% des activités économiques, du PIB, du produit intérieur brut, est produit par le secteur privé, alors que simplement 30% est produit par le secteur public nationalisé. Quand même, mais ça a eu vraiment un fort impact là, au niveau social. Mais ceci, malgré tout, là, le fait d'avoir redirigé une partie des profits de la rente pétrolière vers les secteurs populaires, c'est ça qui a fondamentalement changé la vie de larges secteurs de la population. Et ceci est important et explique bien évidemment l'espèce de ferveur qu'on retrouve aujourd'hui. Autre chose sur laquelle il faut insister, parce que beaucoup la presse a insisté, la grande presse a insisté là-dessus, c'est l'idée que Chavez n'est pas un dictateur. Hein. Souvent, on l'a présenté comme oui, ça. C'est, oui. Il n'est pas un dictateur. Un dictateur. Des pourquoi fois, il n'est pas un dictateur dans notre pensée, parfois on peut avoir c'est comme ça qu'on... Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des travers personnalistes ou des travers autocrates, ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce que veut dire un dictateur? Ça veut dire qu'il ne passe pas à travers des processus électifs et des processus électifs transparents. Or, Chavez est passé à travers 5 processus électifs transparent, surveillé par des commissions d'observateurs étrangers et états-uniens en particulier, donc des plus exigeants en la matière, et tous ont reconnu que les scrutins étaient transparents et donc que Chavez les a gagnés en toute justesse et en toute justice. Plus encore, dans la constitution qu'il a renouvelée, qu'il a réorganisé en 99 à travers une assemblée constituante, il a instauré le principe d'un référendum révocatoire. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est la seule constitution d'ailleurs qui a ça en Amérique latine, c'est-à-dire qu'il est possible, après à moitié de mandat, pour des citoyens, s'ils le désirent, de pouvoir demander la révocation du président, à condition qu'ils aient récolté suffisamment de signatures pour cela. Donc voyez-vous, c'est vraiment un principe très démocratique. Ah oui. Et c'est ce qui est arrivé en 2004, il y a eu suffisamment de signatures récoltées au Venezuela pour exiger un référendum révocatoire. Il y a eu donc ce référendum que Chavez a gagné haut la main, d'ailleurs, avec près de 60% des votes. Et ce qui montre bien qu'il bénéficie indéniablement d'un appui populaire, et d'un appui populaire assez important, hein, au moins autour, toujours, qui tourne autour de enfin, les dernières élections, c'est ce qu'elles ont montré, là, de 55% de la votation, ce qui n'est pas négligeable. Alors, vous nous présentez quand même une image d'un homme démocratique. Oui, autre mythe aussi, celui de la presse. On dit souvent qu'il a nationalisé la presse, c'est absolument faux. C'est faux, ça aussi. Complètement inexact. En fait, l'immense majorité de la presse, aussi bien en termes de nombre de médias, et puis de médias écrits ou de médias télévisuels, qu'en termes d'audience, y compris d'audience, hein, est aux mains de l'opposition. Très très clairement, il y a juste un ou deux grands journaux qui sont au centre, et depuis quelques années seulement, trois journaux quotidiens, mais qui ont peu d'audience finalement, qui défendent la ligne chaviste traditionnelle. Donc globalement, on ne peut pas dire que... Il y a même de puissants... Hein, Gustavo Cisneros est un puissant magnat de la presse qui a travaillé toujours en confrontation, enfin pendant très longtemps, tout au moins en confrontation avec Chavez, puisqu'il a même participé à ce fameux coup d'État raté contre lui en 2002. Donc une grande partie de la presse et des magnats de la presse sont contre lui. Mais pourquoi on a cette image? C'est qu'au fond, il y a des liens médiatiques qu'on ignore, mais qui jouent un rôle important, et notamment qui influencent beaucoup la presse européenne, à travers le journal Le País, qui est justement qui est tenu en partie en termes de capitaux par ce magnat de la presse, Gustavo Cisneros. Or, Le País a aussi des liens avec Le Monde, ce qui fait que Le Monde français, très souvent, a tendance à présenter Chavez d'une manière très, très négative. Et comme ici, on lit souvent la presse française pour se donner une idée un petit peu de ce qui se passe à l'échelle du monde, et bien finalement, ici aussi, on finit par reproduire ces fameux préjugés sur Chavez qui, en général, ne tiennent pas la route. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi chez Chavez ou dans ses politiques des problèmes, des côtés plus sombres, des côtés plus discutables, certainement, il faut bien sûr en parler, mais on ne peut pas en rester à ses premiers préjugés là, d'un Chavez dictateur qui monopoliserait la presse, etc., comme très souvent on nous le fait croire là, à travers les médias, les grands médias. Merci pour cet éclairage, en tout cas très intéressant. Je suis certaine qu'on peut retrouver ça dans votre livre, le tout dernier que vous avez écrit. Oui, ça, on insiste beaucoup là-dessus. Et puis, j'aimerais aussi qu'on se penche sur, peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure, mais juste pour être certaine, donc qu'est-ce que le parti et lui ont réussi à transformer la société vénézuélienne, pardon. Ce serait donc les grandes forces, vous nous avez dit, c'est d'avoir cherché les capitaux au niveau Les grandes forces, c'est justement cette redistribution en Amérique latine. Enfin, il y a deux choses. Il y a d'une part la redistribution de la rente pétrolière dans un pays ou même dans un sous-continent où très souvent les secteurs populaires sont exclus de la vie économique, sociale et politique. D'autre part, aussi avoir été capable avoir beaucoup poussé toute l'Amérique latine, tous les États latino-américains à parler d'une seule voix. Ah oui. Hein, notamment à travers la constitution de l'ALBA. Là, c'est l'ALBA. Une alliance de pays, notamment avec Cuba, avec la Bolivie et avec l'Équateur et le Nicaragua. Donc une alliance de pays qui ont essayé d'établir entre eux des rapports sud-sud plus égalitaires, moins fondés sur les logiques néolibérales du profit marchand. Donc ça, c'est important aussi. Ça a débouché sur la CELAC, c'est-à-dire une nouvelle union des États latino-américains sans la présence du Canada et des États-Unis. Ah, donc oui. Et là, il reprend cette idée bolivarienne de la patria grande, de la grande patrie de l'Amérique latine. Donc il a, ça, je pense, c'est ces deux points les plus forts, à la fois renforcer le protagonisme populaire, comme on peut dire, l'auto-organisation populaire dans son pays, en favorisant et en redistribuant la rente pétrolière, et d'autre part, c'est essayer de réunir l'Amérique latine autour d'une seule et même position, et sur une position d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors ça, c'est les côtés, disons, directement positifs. Les côtés plus négatifs viennent du fait que Chavez est moins un stratège qu'un tacticien, et que donc il réagit au coup par coup, et qu'il n'a pas en fait un projet, au-delà de sa rhétorique sur le socialisme du 21e siècle, il n'a pas un projet social et économique très clair à penser à long terme. Notamment, il utilise les profits de la rente pétrolière, mais il n'y a pas cette idée, par exemple, que l'économie vénézuélienne devrait utiliser les profits du pétrole pour diversifier l'économie du pays, pour relancer l'agriculture, par exemple, pour aider au relancement de l'agriculture. Ce parce que semble-t-il, c'est ça, c'est vraiment le pétrole qui est beaucoup développé. Il est surdéveloppé et avec toute une série de discordances ou d'incohérences qui naissent de ce surdéveloppement du pétrole, qui fait notamment que l'agriculture, à l'inverse, est sous-développée, qui fait que, alors que le Venezuela pourrait être quasiment indépendant en termes alimentaires, il est obligé d'importer 70% de son alimentation. Alors vous dites qu'il pourrait quand même avoir une souveraineté alimentaire. Oui, parce qu'il y a des immenses terres qui sont inexploitées et c'est un pays qui a beaucoup de possibilités en termes agricoles et qui sont absolument sous-utilisées. Même chose au niveau du tissu industriel qui est très peu développé. Et il n'y a pas eu de véritable politique de ce qu'on appelle des politiques de développement de l'industrie par substitution des importations. Justement, à cause des dollars faciles nés de la vente du pétrole, on achète à l'extérieur plutôt que de développer une industrie interne qui permettrait de produire dans le pays même les biens dont on a besoin au quotidien. Alors ça, on appelle ça la maladie hollandaise d'ailleurs, qui frappe, soit dit en passant, aussi le Canada, là, avec le pétrole de l'Alberta, et qui fait que y a des profonds dysfonctionnements au niveau de l'économie, et qui, sur le long terme, ne pourront pas durer comme tel. Alors ça, c'est une première difficulté. Une autre difficulté, peut-être, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes que Chavez a laissés en suspens, notamment le problème de la criminalité et de la violence urbaine. Ah oui. Et pourquoi il les a laissés en suspens? Parce qu'ils exigeraient, contrairement à ce qu'on pense, d'importantes réformes de fond que Chavez a hésité à faire, notamment parce que on sait que la violence urbaine, elle est surtout liée finalement aux comportements policiers. Or, les comportements policiers au Venezuela sont le fait non pas d'un seul corps de police, mais de près de 123 corps de police. Donc là, on voit bien justement une des limites de la révolution bolivarienne, c'est qu'elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle prétendait faire. Elle n'est pas si révolutionnaire que ça, finalement. Parce que une révolution implique des changements structurels de fond, et dans le domaine de la police, Chavez vient juste de commencer à la faire à partir de fin 2009-2010, en créant une première police nationale qui a commencé à se déployer dans certains quartiers de Caracas, mais dont on ne voit pas encore jusqu'à présent, 2012, trois ans plus tard, encore de véritables bénéfices. Parce qu'on sait, il y a des enquêtes qui ont été faites très clairement, qu'une grande partie de la délinquance provient effectivement d'une police corrompue. Ah oui. Soutient ou qui est complice ou qui participe donc même à une espèce de monde mafieux. Monde mafieux dont il faut dire qu'il est aussi alimenté par la Colombie et les groupes paramilitaires d'extrême droite, que les gouvernements colombiens n'ont pas cherché à garder chez eux et se sont profités, ont tout fait pour les envoyer au Venezuela. Alors tout ça montre que là il y a aussi des problèmes, le problème aussi de l'inflation. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, par exemple, le secteur financier n'est pas complètement nationalisé au Venezuela. On a nationalisé les entreprises qui avaient été en faillite suite à la crise de 2008, mais donc le gouvernement n'a pas un contrôle complet du système bancaire. Donc il y a toute une spéculation qui se fait sur le dollar et sur le bolivar, que ne contrôle absolument pas le gouvernement, et qui finit par avoir des effets sur la vie quotidienne des gens. D'où, tout récemment, il y a eu une dévaluation du bolivar, et cette dévaluation du bolivar a évidemment des incidences sur la vie quotidienne des gens. Alors même si par ailleurs le gouvernement va par un autre côté augmenter les salaires à travers une législation prévue pour ça, il reste que au niveau des conditions de vie de beaucoup de Vénézuéliens, ça se ressent et ça fait partie des difficultés dont hérite le nouveau président. Parlons-en. Donc, est-ce qu'il y a des futurs présidents? Et oui, est-ce qu'il y a des candidats intéressants? Comment vous voyez ça, l'espèce de maintien de l'héritage de Chavez? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce qu'il y a un successeur qui pourrait le faire? Ça nous permet aussi de voir un troisième défaut, un troisième point noir ou sombre. C'est que le chavisme était organisé beaucoup autour de la personnalité de Chavez et de quelques-uns de ses collaborateurs qui étaient les plus fidèles. Mais avec une vision très verticale, très militaire, si on peut dire, de l'organisation populaire. C'est-à-dire qu'au fond, au point de départ, s'il y a eu des espaces d'auto-organisation populaire qui sont ouverts au Venezuela, très vite, ils ont été verrouillés par le haut. Notamment à travers la constitution d'un parti, le PSUV, qui est un parti qui était contrôlé par le gouvernement étroitement, qui était donc devenu peu ou prou un parti-État, avec tous les défauts qu'il peut y avoir là. Donc, on a, si vous voulez, un processus qui est tenu par le haut, par une petite poignée de dirigeants, et de dirigeants qui, une fois Chavez parti, n'ont sans doute pas le charisme de Chavez. Alors, il y a trois personnalités, là, dont on parle le plus souvent. Le premier, bien sûr, c'est Nicolas Maduro, celui que Chavez a intronisé et a désigné comme devant être son successeur, qui était vice-président, qui pour l'instant assume l'intérim de la présidence jusqu'aux élections d'avril, puisque a été lancée une campagne électorale qui va durer 30 jours, et au bout de laquelle il y a toutes les chances, ce que nous disent pour l'instant les sondages, qu'il soit élu, et même à une forte majorité, dans la mesure où la mort de Chavez a eu un effet tellement traumatique, je dirais quelque part, pour le peuple vénézuélien, que on cherche quelque part à le ressusciter à travers son successeur. Donc il y a de fortes chances que, les sondages parlent de 55 à 60%, que Nicolas Maduro puisse être élu assez facilement. Bon, évidemment, dans une campagne, il peut toujours se passer un tas de choses imprévues, mais disons que c'est un peu la tendance générale. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que pendant un temps, tous les partisans de Chavez vont se regrouper, se serrer les coudes autour de ce fameux Nicolas Maduro. Mais comme il y a toute une série de problèmes sous-jacents qui n'ont pas été réglés au temps de Chavez et qui ont pu ne pas paraître avoir beaucoup de poids et d'importance à cause de la personnalité même de Chavez, il se peut que par la suite tous ces problèmes ressurgissent violemment et que le mouvement chaviste ne soit pas aussi capable qu'a pu l'être Chavez de les régler. Donc on peut imaginer un certain nombre de, bon, de tensions, notamment concernant aussi la place de l'armée au sein de ce processus, concernant la place qu'on va accorder aux aspirations populaires d'une plus grande autonomie, d'une plus grande démocratie participative, notamment la place qu'on va accorder à une diversification de l'économie. Il y a beaucoup de problèmes là qui sont pas du tout évidents à gérer et qui bien sûr aussi dépendent toujours de la capacité d'utiliser la rente pétrolière et donc des prix pétroliers. Or, le prix du pétrole, c'est pas quelque chose que le gouvernement vénézuélien contrôle, ça dépend du marché. Et donc, ça peut monter et descendre. Et si ça descend, à ce moment-là, tous les projets qui ont favorisé le peuple et permis à Chavez de gagner l'aura qu'il a gagnée, pourraient être mis en cause. Oui, tout à fait. Alors, ça va être à suivre, évidemment. Oui, c'est sûr. Et donc, en terminant, sur l'influence de Chavez sur les choix politiques dans les autres pays d'Amérique latine? Ben, c'est sûr que Chavez a été une sorte de locomotive. Locomotive qui, quelquefois, embarrassait bien les gens, ou les gênait, ou déroutait, ou provoquait des tensions, mais qui, malgré tout, je pense que c'est ça le bilan qu'on peut faire, a poussé l'Amérique latine vers une plus grande indépendance vis-à-vis des États-Unis, et a obligé aussi l'Amérique latine à réfléchir plus en profondeur aux effets si déstabilisants du néolibéralisme, du mode de régulation néolibéral sur la vie des secteurs les plus démunis de l'Amérique latine, et donc a forcé beaucoup de gouvernements à développer des politiques en faveur des secteurs défavorisés. Alors, merci beaucoup, Pierre Moutarde. Moutarde. Ça m'a fait plaisir. Et oui, alors je rappelle que vous pouvez, aux auditeurs, que vous pouvez lire justement ce que vous venez d'entendre avec, dans le livre Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, qui est écrit par notre invité aujourd'hui. Donc, je vous remercie. On s'arrête un court instant et ensuite on poursuit avec Renaud Blais et sa chronique Quelques fenêtres vues d'ici et d'ailleurs. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Quécalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Qu'est alors ? Tous les samedis 14h. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Maintenant à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. CKRL. 89.1. Alors, Valérie Blouin qui est avec vous jusqu'à 13h. Vous écoutez présentement Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Et juste avant de vous parler avec Renaud Blais, je voudrais vous inviter au cocktail bénéfice qui aura lieu jeudi 4 avril à l'hôtel Château-Laurier. C'est à ne pas manquer et ça permet également à la station d'accumuler des fonds et de permettre à la station de vivre encore quelques années, en tout cas cette année. Alors, on compte sur vous, donc soyez généreux et également, si vous ne pouvez pas aller au cocktail bénéfice, vous pouvez participer au Radioton qui aura lieu du 5 au 7 avril, donc le vendredi jusqu'au dimanche. Et vous êtes le bienvenu à la station et également, il va avoir sur le site de CKRL plein de cadeaux, dans le fond, plein de choses que vous pouvez acheter et vous allez pouvoir gager et peut-être vous allez pouvoir emporter soit des billets de théâtre, peu importe. Donc, c'est une façon de soutenir le CKRL. Alors maintenant, nous sommes rendus à la chronique « Quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici » par Renaud Blais. Alors, bonjour Renaud Blais. Bonjour tout le monde. Alors, salut Valérie. Oui, bon, alors il y a un mois, tu nous as parlé, nous as présenté Victor Ramos, donc Québécois d'origine paraguayenne. Et aujourd'hui, donc dans le fond, tu nous invites à découvrir madame que je vais voir. Marie-Claude Tadros-Giguère. Oui, voilà. J'ai pas la bonne page, voilà. Et qui est d'origine palestinienne. Donc, on vient de passer du Venezuela, justement, avec Pierre Moutarde. Maintenant, on s'en va en Palestine. Ouais, exactement. Alors, on va avoir un petit première partie plus historique pour la mise en situation. Ensuite, Alors, moi, je fréquente ces gens qui sont des Québécois d'origine étrangère, comme je me plais à le dire, ils nous ont fait l'honneur de choisir le Québec, et plus précisément la ville de Québec, que moi aussi j'ai choisi, j'y suis pas né. Alors je vous présente quelques fenêtres sur des ailleurs vus d'ici. Qu'on comprenne bien, des ailleurs, ça veut dire leur pays d'origine, mais à partir des yeux des gens qui vivent ici, mais qui sont toujours très intéressés à leur pays d'origine. Alors mon but est de vous présenter le point de vue des citoyens d'ici, immigrants de première génération. Ils ont conservé un très grand intérêt pour leur pays d'origine. Ils nous offrent un point de vue très différent, très souvent, là, de celui qui nous est servi par les grandes agences de presse et retransmis par nos grands médias à la solde des intérêts de leurs propriétaires qui les ont souvent achetés pour mieux en contrôler le contenu. Je pense qu'à ce point de vue-là, Attaque, c'est pas un original des Bêbes. Oui, puis on vient d'en parler justement avec Pierre Moutarde. Donc. Ah oui, j'entendais Pierre qui est souvent allé et qui connaît bien les mecs latines. Alors, je vous présente aujourd'hui des extraits d'une entrevue avec mon amie Marie-Claude Tadros-Giguère. Elle est d'origine palestinienne et nous offre une présentation que je qualifierais de « Palestine et Israël 101 ». Quelqu'un qui n'aura jamais entendu parler du conflit israélo-palestinien pourrait en avoir une bonne idée après avoir écouté Mme Giguère. Tadros-Giguère. Bon, je m'en voudrais de ne pas faire un lien avec le Forum social mondial de Tunis qui va se tenir en mars, début avril, je ne me rappelle pas exactement des dates, mais très prochainement, où le peuple palestinien sera à l'honneur, avec notamment la présentation des conclusions du tribunal Russell sur la Palestine et la marche de clôture du Forum qui lui sera dédiée. J'ai pris ces informations dans un texte publié dans le journal L'Alternative par Gustave Massia, qui est membre du Conseil international du Forum social mondial. Alors, chers auditrices et auditeurs, je, encore une fois, effectue un montage très serré pour vous offrir toute la substantifique moelle de l'entrevue. Alors, j'en mets le plus possible, mais bon, des fois, vous voyez que les liens sont pas extraordinairement faits, comme dans les radios professionnelles, bref. Ah, oh, je suis certaine que ça... Ah, oh, c'est similaire. C'est presque c'est similaire. Bon. Oh oui, René. Oh oui, Renaud. Alors, dans un premier extrait, Mme Tadros nous parle de son histoire personnelle. Je commence toujours un peu par ça pour situer la personne. Et nous offre une perspective historique du conflit qui dure depuis 1948. Nous poursuivrons directement ensuite avec une pièce musicale très intéressante, vous allez voir, Fairouz, une Libanaise très connue pour son point de vue militant. Cette pièce est extraite de « Jérusalem in my heart ». Alors, on écoute Mme Giguère, Tadros Giguère. Bon, alors en 1948, je me suis retrouvée réfugiée avec mon père, ma mère, ma grand-mère, ma grand-tante et quatre frères en Jordanie. Alors réfugiés, bon, on n'était pas les seuls, on était 1 million de Palestiniens réfugiés. Vous demeurez un certain temps là en Jordanie. Alors on est resté en Jordanie 1 an et mon père était dentiste. On a pu éviter le camp de réfugiés parce que les Palestiniens, la plupart d'entre eux, vivent encore d'ailleurs dans les camps de réfugiés. Père étant dentiste, ayant des amis en Égypte, a pu ouvrir une clinique à Alexandrie, travailler comme dentiste en Égypte. Et d'Égypte, je suis venu émigrer au Québec en 1965. Donc, la plus longue partie de ma vie est au Québec. J'ai 45 ans, 46 ans au Québec par rapport à 12 ans en Palestine et je sais pas, 16 ou 17 ans à Alexandrie en Égypte. Alors, moi, je suis arrivé au Québec en 1965. Je me suis très bien intégré. Je me suis pas assimilé. J'ai épousé un Québécois. Mais je pense toujours à la Palestine. Ben, le pays où je suis né. Qui suscite votre intérêt pour l'actualité du pays toujours? La Palestine est dans nos pensées, dans ma pensée. Si je disais journellement et quotidiennement et tout le temps et toutes les minutes semblerait excessif, mais ça ne l'est pas en réalité. Nous suivons l'actualité. Moi, j'ai pu retourner en Palestine dans ma ville natale avec un passeport canadien parce qu'avant ça, tant que palestinienne, je ne pouvais plus retourner en Israël. Ils défendaient aux Palestiniens de retourner dans cette région-là. Par contre, avec un passeport canadien, j'ai pu retourner. J'ai été avec mon mari et même les enfants. Et j'ai revu la maison. Il y a des colons qui habitent là. Les propriétés de mes parents sont occupées. Il y a très peu de gens ici au Québec qui savent que tous les biens des Palestiniens, depuis 1948, tous leurs biens, maisons, terrains, même argent à la banque, avaient été réquisitionnés et l'est encore par le gouvernement israélien. C'est ce qu'ils appellent un séquestre israélien sur les biens des Palestiniens. Nous ne pouvons ni les réoccuper, ni retourner habiter, ni vendre. Le séquestre israélien, c'est une loi israélienne qui date de 1948-1950. Et nous n'avons aucun moyen de récupérer quoi que ce soit. Donc c'est encore pire que les Juifs qui ont été dépossédés par les Allemands lors de la guerre. Certains ont récupéré leurs biens. Non seulement récupérés, mais l'Allemagne paye à Israël jusqu'à aujourd'hui une indemnisation annuelle de millions de dollars, dont on n'entend pas parler beaucoup, là, parce que ça reste un peu un secret d'État, mais c'est payé par l'Allemagne comme... contribution aux dégâts de guerre et au nazisme et à tout ça jusqu'à aujourd'hui, tandis que les Palestiniens n'ont absolument rien obtenu. Vous dites que vous êtes arrivé en 65, donc c'est un peu avant la guerre des six jours. Hein? Oui, c'est-à-dire que... Vous n'êtes pas sorti comme réfugié, là. Bon, alors en 48, quand la Palestine a disparu en tant que pays et c'est devenu Israël, par la force des armes et par une guerre, avec 1 million de réfugiés palestiniens, je faisais partie de ces réfugiés palestiniens. J'avais une douzaine d'années à l'époque, un peu plus de 12 ans. Donc, je me souviens quand même d'un tas de choses qui se sont passées à cette époque. Le départ de Jaffa, ma ville natale, jusqu'en Jordanie. Nous n'étions pas la seule famille palestinienne. Il y avait à peu près 1 million de réfugiés palestiniens qui se sont dispersés autour de la Palestine, du territoire Liban, Jordanie, Syrie, Égypte, surtout Jordanie. Et Liban, surtout, à cause du terrain plus facile à traverser. La Palestine, en 48, n'a plus existé, c'est devenu Israël. Et depuis, les territoires occupés par Israël, parce que, bon, ils occupent tout le terrain, par la force des armes, par les colonies de peuplement. On sait que Israël, pendant toutes ces années, en 65 ans, a installé plus de 500 000 colons dans les territoires qui, normalement, devraient revenir à un État palestinien d'après un partage des Nations Unies. Les Nations Unies ont voulu partager le territoire en deux États, un palestinien, un israélien. Naturellement, le côté israélien était la superficie était la plus grande par rapport à l'autre. Par contre, les Juifs étaient très peu nombreux à l'époque, ils sont plus nombreux aujourd'hui avec 65 ans qui ont passé, mais à l'époque, ils formaient 35% de la population palestinienne et ils avaient un peu plus de territoire que les Palestiniens. Les colonies de peuplement se sont installées, le gouvernement israélien les installe tous les mois, il y a des nouvelles colonies qui sont installées, des nouveaux colons israéliens qui font un tas de dégâts. D'abord, il y a le dégât politique, parce que les territoires sont supposés revenir un jour à un État palestinien, et la façon dont les colonies se construisent, c'est devenu un fromage, un gruyère quasiment, c'est un territoire troué par des colonies de peuplement, donc un État palestinien qui se succéderait, ce point de vue géographique est quasiment impossible aujourd'hui. Oui, retour en arrière de ces colonies. C'est ça, c'est ça. Impossible. C'est quasiment impossible, alors, à moins de sortir les colons de force. C'est sûr que s'il y avait des sanctions et que l'Occident soit... Israël est un enfant gâté de l'Occident. Ils se permettent tout ce qu'ils veulent. L'Occident fait de temps en temps des critiques. Les colonies de peuplement, il faudrait que vous arrêtiez ça. Bon, Israël continue, on ne leur dit rien. Il n'y a pas de sanctions. Il y a d'autres pays à travers le monde quand ils ne respectent pas des Nations Unies, il y a tout de suite des résolutions des Nations Unies, il y a tout de suite des sanctions internationales. Israël, c'est pas du tout le cas. Ils n'ont aucune sanction. Tout va très bien chez eux. Ils continuent à gruger le territoire palestinien par la force des armes. Les colonies, les colons, par exemple, font des dégâts parmi la population palestinienne, les villages palestiniens. Ils descendent dans les villages, ils brûlent les voitures, ils chassent les Palestiniens des villages, ils empêchent les Palestiniens de passer sur certaines routes, ils arrachent les oliviers. L'olivier est un arbre d'abord centenaire en Palestine, c'est un arbre très symbolique de la Palestine et de la région. L'olivier met des années avant de produire des olives et les agriculteurs palestiniens se font arracher par les colons leurs arbres, leurs oliviers par centaines. Moi j'ai assisté à des arrachages par hasard, on passait en voiture et on voyait les colons arracher les oliviers sur les terrain des Palestiniens. Quand on est repassé 1 ou 2 heures après, tous les arbres étaient couchés par terre. J'ai vu la scène se passer devant mes yeux. C'est l'enfant gâté de l'Occident. Il se permet tout. Et jusqu'à quand ça va continuer? Alors ça, c'est une autre... فليشهر في الدنيا ولتصدع أبواق تصدع زيف فليشهر في الدنيا ولتصدع أبواق تصدع بان الآن وليس غدا فجراس العودة فلتفرح الآن وانا لا انساك فلسطين ويشد يشد بي البعد انا في افيائك نسرين انا زهر الشوق انا الورد انا لا انساك فلسطين ويشد يشد بي البعد انا في افيائك نسرين انا زهر الشوق انا الورد سندك ندك الاسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد الى الدار الدار نمحو من أجراس تقرع قد جن دم الأحرار سيف فليشهد للدنيا وتصنع أبواب تصنع الآن وليس قد أجراس العودة بل تقرع الآن الآن وليس غدا الآن الآن وليس غدا أجراس فالتقرى الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فالتقرى أجراس العودة فالتقرى. Je suis présentement avec Renaud Blais qui nous présente sa chronique « Quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici ». Et aujourd'hui, on a la chance de découvrir, dans le fond, un petit peu la réalité ou l'origine de Marie-Claude Tadros-Giguère, qui est d'origine palestinienne et qui, dans le premier extrait que vous avez entendu, qui nous a quand même parlé un peu de la violence que les Palestiniens subissent de façon régulière par la domination d'Israël. Et la chanson que vous venez d'entendre, c'est Fayrous, n'est-ce pas, Renaud, d'une Libanaise, donc, qui est militante et qui nous a donc présenté sa chanson « Jérusalem in my heart ». Bon, alors, on poursuit. Alors, un deuxième extrait d'entrevue va vous situer plus dans l'actualité. Pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec ce conflit qui dure depuis 1948, les gens ne sont pas toujours conscients que depuis 1948, il y a des Palestiniens qui vivent dans des camps, ça fait qu'ils sont rendus à la troisième génération dans des camps de réfugiés. Là. Alors, on écoute la deuxième partie. On s'empare d'un territoire et on l'habite. On l'habite, même si les gens en Occident ne sont pas d'accord, même si les Nations Unies condamnent Israël, qui n'a pas le droit d'occuper des territoires qui ne leur appartiennent pas. Bon, alors, mais il n'y a pas de conséquence. Il n'y a aucune conséquence, puisqu'il n'y a aucune sanction contre Israël. Il y a des sanctions contre l'Iran, il y a des sanctions contre l'Irak, dans le temps, des sanctions un peu partout, la Corée du Nord et d'autres pays, mais surtout pas Israël. Ils sont trop puissants en Occident pour qu'on les sanctionne. Et je répète et je le dis, c'est l'enfant gâté d'Occident. C'est les enfants gâtés. Puis basé sur le fameux sentiment de ne pas avoir limité les puissances d'Hitler et les avoir laissés assassiner. C'est-à-dire que, voilà, Israël utilise beaucoup, si on les critique, on critique les Juifs et de là, c'est on est antisémite. Ce n'est pas, moi je ne suis pas antisémite, j'ai une grand-mère qui était juive. La mère de mon père était juive, russe. Elle s'était installée avec sa famille, arrivée enfant en Palestine. Alors, elle a épousé mon grand-père. L'antisémitisme, c'est pas une question d'antisémitisme chez les Palestiniens. Chez les Palestiniens, c'est un territoire palestinien que nous avons perdu, qui n'existe plus. Ce n'est plus la Palestine, c'est un autre pays, c'est une autre population. On nous a mis à la porte, on a pris nos biens, on a tout démoli. Il y a des villages, il y a 800, 900 villages palestiniens qui ont été détruits depuis 1948. Des villages qui n'existent plus sur la carte de la Palestine, qui ont été complètement détruits. Rasé. Rasé par les troupes israéliennes. Faut quand même le dire. On nous a effacé de la carte, carrément effacé de la carte. Alors l'antisémitisme, bon, l'Occident a peur de critiquer Israël en se disant ils ont tellement souffert avec les Allemands et le nazisme et Hitler que si on les critique, on a l'air de reprendre les théories nazies. Ce n'est pas reprendre les théories nazies, c'est critiquer un pays qui aujourd'hui fait du colonialisme et est installé sur un autre territoire qui ne leur appartient pas, qui continue à faire des dégâts autour d'eux. Est-ce que croyez qu'Obama pourrait faire la différence s'il avait le courage politique? S'il avait le courage politique. A-t-il le courage politique? Parce que, j'aimerais bien le lui demander. Ouais, ouais. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de transferts de fonds qui se fait privément. Des juifs très riches aux États-Unis qui transfèrent à leur famille et tout ça. Mais il y a l'État américain qui transfère beaucoup d'armes et tout ça. Il y a un grand enjeu financier. Il y a des milliards de dollars qui sont donnés par les gouvernements américains à Israël chaque année. Des milliards. C'est le pays qui reçoit le plus d'argent à travers la planète des Américains. Il donne un peu, quelques piastres au gouvernement égyptien, quelques piastres à certains gouvernements autour, là, la Jordanie ou le Liban, mais Israël récolte le plus d'argent, le plus d'armement. Ils ont des échanges, même au niveau de la sécurité. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, on avait demandé à Warren Allman, qui était solliciteur général du Canada, est-ce que les données que vous avez sur les Arabes, les Palestiniens, les Arabes en général au Canada, sur les associations pro-palestiniennes ici à Québec, à Montréal, est-ce que les données que vous avez, vous, la Gendarmerie royale du Canada, est-ce qu'elles passent à la CIA américaine, oui ou non? Il a dit qu'il ne pouvait pas garantir que ça ne passait pas. Donc, il y avait déjà une collusion. Le travail se faisait entre le gouvernement canadien, la gendarmerie royale et la CIA ou qui de droit aux États-Unis. Là. Ça, c'est pas d'histoire récente, Warren Allman. C'était sur le gouvernement Trudeau. Absolument. Ça, c'est la question qu'on lui avait posée. Il était solliciteur général. On l'avait rencontré au nom de la Fédération Canado-Arabe. Ce n'est qu'il y avait des liens entre les deux gouvernements à ce niveau-là, canadien et américain. On lui a posé la question, il a dit « je ne garantis rien ». En voulant dire « oui, c'est sûr qu'on fait des échanges ». Donc, nous ici, de ce côté-là, de la frontière au Québec, on n'avait aucune garantie que le travail qu'on faisait d'information, parce que dans les associations palestiniennes ou la Fédération Canado-Arabe, c'était un travail d'information. On informait le public québécois, pour moi, là, ici à Québec, de ce qui se passait là-bas, de ce qui était la Palestine avant 1948, de ce que nous avions vécu en tant que Palestiniens. Alors, c'était ça notre travail. Nous voulions savoir si tous ces renseignements, à notre sujet personnel même, passaient aux Américains. Oui, probablement. Mm-hmm. Oui. Ça, on a l'impression que c'est depuis le 11 septembre 2001 qu'il s'est beaucoup rapproché les services de sécurité et de renseignement, mais ça existait déjà avant. On en a entendu parler après le 11 septembre parce que c'était revenu sur la sellette, là. Mais ça date de très longtemps, là, les échanges entre eux. Nous, on n'était pas inquiets, on ne recevait pas d'argent ni de groupes louches, ni terroristes, ni rien du tout. Là. Alors, on était tranquille, on informait le public, point à la ligne, c'est tout. Mais on était sur quand même, on savait qu'on était surveillés. Quelle perspective d'avenir voyez-vous? Deux États ou un État multiconfessionnel où il y a différentes théories qui sont... Oui, il y a des Palestiniens qui pensent qu'un État multiconfessionnel serait possible. Possible, oui, dans une centaine d'années, une réconciliation comme la France et l'Allemagne après les guerres. Oui, peut-être, mais tout de suite, comme ça, là, notre génération, la génération de mes enfants, de mes petits-enfants, je ne pense pas. Donc, il y aura une période intermédiaire de deux États, possiblement. Voilà, mais est-ce que la colonisation ne doit pas plutôt arrêter avant qu'il n'y ait plus de territoire à discuter? Parce que pour parler de territoire, il faut qu'il y ait une superficie dont on parle. Alors, c'est sûr que les Nations Unies, et en Europe, et l'Occident en général, et même les Américains, sont pour un État palestinien aux frontières de 1967. Bon, Israël a tellement colonisé la partie d'un futur étant palestinien, qu'on se demande qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui reste? Presque rien. Est-ce que ce sera possible de sortir les colons de force? Ils sont 500 000, à peu près. Il y en a 200 000 à Jérusalem. La Jérusalem qui serait une partie, parce que la Jérusalem serait une partie pour Israël comme état, comme capitale d'Israël, et une partie de Jérusalem qui serait pour un état, capitale d'un état palestinien. Mm-hmm. Il y en a 200 000 colons dans la partie palestinienne. La future partie palestinienne, il y a 200 000 colons. Et il y en a plus de 300 000 dans les territoires, dans les colonies de peuplement. Quand on dit avec les frontières de 67, c'est un demi-million d'Israéliens qui devraient quitter leur maison. Qui devraient quitter les colonies de peuplement. C'est une politique colonialiste. Hein. On connaît la politique colonialiste de l'Occident au début du siècle, le siècle dernier, quand ils colonisaient l'Afrique et le Moyen-Orient, d'ailleurs. Et ça n'existe plus, ces colonies-là. Je veux dire, colonialisme, en réalité, dans sa séquence du siècle dernier, n'existe plus. Mais Israël continue à... C'est le seul pays au monde qui continue à coloniser des territoires qui ne leur appartiennent. C'est sûr que les colons religieux et les juifs religieux disent que la Palestine et ces territoires-là leur ont été donnés par Dieu. Oui, ils retrouvent ça dans l'Ancien Testament. Bon, mais moi, je me dis, est-ce que Dieu est un agent d'immeuble? Est-ce que Dieu peut distribuer des terres à un peuple donné, que ce soit aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, à qui d'avant. Est-ce que Dieu est un agent d'immeuble quand même incroyable? Mais c'est du colonialisme. C'est pas une question d'Abraham et de Dieu et de Moïse. C'est vraiment du colonialisme. Dans sa forme la plus... Ben. Alors oui, vous venez d'entendre Marie-Claude Tadros-Giguère, qui est d'origine palestinienne et qui nous a raconté un peu son point de vue. Hein, et la violence, dans le fond, que ce peuple-là, on dirait qu'il n'a pas le droit d'exister. Continue de subir quotidiennement. On a entendu dans les derniers moments, il y a eu à un moment donné une attaque majeure là, sur la bande de Gaza. Il y a eu je ne l'ai pas retenu dans le montage, mais à un moment donné, Mme Tadros me disait on rêve d'une association, un rapprochement entre l'OLP et le Hamas pour faire front commun, mais tout le grenouillage qui se produit en arrière fait en sorte qu'il se rallie pas, il se rassemble pas, puis là, on sait que M. Netanyahou, qui vient de reformer son gouvernement, il a été beaucoup... son parti a diminué dans sa popularité, puis il a eu de la misère à former son gouvernement, là, mais... L'actualité nous dira si... De toute façon, quand on entend les frontières de 67, c'est vraiment une hérésie. Là. C'est complètement impensable. Là. Alors, chers auditrices et auditeurs, c'est un point de vue très bien informé sur l'actualité du Moyen-Orient, particulièrement en Palestine et en Israël. Étrangement, un point de vue que nous entendons très peu dans nos grands médias. Au grain de sable chez Attac, en général, nous n'en sommes pas surpris. Constatons encore une fois... Heureusement que des médias alternatifs sont là pour compléter l'information orientée dans les intérêts des grands possédants. Et sur ce mot, je vous dis à dans un mois. Merci beaucoup, Renaud Blais. Et j'invite les auditeurs à partager cette balado-diffusion et vous pouvez réentendre cette émission en balado-diffusion sur CKRL. Le site est également Attaque Québec. Et c'est déjà tout pour nous cette semaine. Alors, je remercie Renaud Blais. Merci beaucoup pour cette chronique, quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Et également, Pierre Moutarde, notre invité qui nous a parlé de l'héritage d'Hugo Chavez au Venezuela. Et également, Michel Monette qui assure la réalisation, les choix musicaux, la mise en onde et la recherche. Un grand merci à toi, Michel. Et donc, c'est ça, je vous rappelle, les enregistrements toujours disponibles sur le site de CKRL et également notre blog, legrainsable.qc.org. Nous avons également la page Facebook. Vous pouvez aller faire un tour, cliquer « J'aime » et également Twitter. Également, tous vos commentaires, suggestions, opinions peuvent être écrits à legrainsable@hotmail.com. Alors, c'est maintenant l'heure de Contes de fées. Alors, je cède les ondes à Olivia Vu, la magnifique Olivia Vu qui va vous raconter des histoires avec son émission Contes de fées. Et voilà, c'était Valérie Blouin qui est avec vous et je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine sous ce beau soleil un peu frisquet par contre. Et on se redonne rendez-vous samedi midi. À la semaine prochaine. Podemos ayudar al mundo. cambiar la historia en un segundo. Si ayudas a crecer, tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Y vamos a salvar el mundo. Vive tu vida, la gran enemiga. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Ya ves, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas penas, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Ya ves, corazón del pueblo. Actívate. Tú sabes que nosotros somos los que te gustamos y te ponemos a bailar. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Restaurant Latena vous offre un menu diversifié tel que les pizzas, brochettes, poulet frit, pâtes, sous-marins en plus des à côté, nos délicieux clubs et poutines. Restaurant Latena, ouvert tous les jours dès 7h pour offrir une variété de petits déjeuners. Restaurant Latena, situé au 2980 1ère Avenue, pour combler votre appétit matin, midi et soir. Sur place ou en livraison, 88 525 5509. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente les matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 88-977-75-71. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e Avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Billot, 1296 3e Avenue Limoilou et chez Amassane le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Conte de fées vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.